Ce n'est qu'un point de poésie dans le ciel des matins de pluie. Le satin rose de ta peau que je caresse avec des mots, c'est un baiser. Fan de chansons françaises de tous les temps et tous les autres, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Yves est à la technique et Daniel en votre compagnie pour vous présenter la cerise sur le canto comme tous les 15 jours. Un panorama de chansons françaises d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier ou même des tubes de demain. Une émission qui s'adresse donc à toutes les générations ainsi qu'à tous les auditeurs avides de découvrir autre chose. Et puis, un jury neutre qui classe les chansons de l'émission et sans plus attendre, résultat de l'émission précédente, c'était la cerise sur le canto numéro 28 il y a 15 jours. Médaille de bronze, ah oui, on a fait dans le rétro là, pour Georges Milton, venez donc chez nous. Le gars Martin s'ennuyant au pays, dit je vais aller rigoler à Paris, en arrivant il dit que des gens sérieux, et des messieurs qui avaient l'air bien soucieux. Il alla au cinéma, mais là on ne riait pas. Il alla un peu plus loin, mais là on s'amusait moins. Alors le soir il a dit à tous ses amis, Paris, venez donc chez nous, on vous fera rire. Venez donc chez nous, ça vous plaira beaucoup. Venez donc chez nous, on a le sourire. Venez donc chez nous, on ne s'en fait pas du tout. Vous verrez de jolies filles qui sont beaucoup mieux balancées, les demoiselles de la Bastille et toutes vos vedettes de ciné. Venez donc chez nous, c'est la campagne. Venez donc chez nous, c'est un joli séjour. Venez donc chez nous, il y a du champagne, il y a de la gaieté, il y a de la joie, il y a de l'amour. Dans quelques jours, c'est la noce à Léon. Oh, qu'est-ce qu'on va se taper comme gueuleton. On a déjà commandé le menu. Venez avec nous, vous serez les bienvenus. C'est moi le garçon d'honneur, la mariée m'a dit d'ailleurs. Martha, tu vas à Paris, invite donc tous tes amis. Venez donc, on rigolera. Et qu'est-ce qu'on dégustera, venez donc chez nous. Venez à la noce, chacun son tour, on poussera sa chanson, chanson d'amour et chanson rose, et tous en cœur, on chantera la Madelon. Y aura Jules et Antoinette, comment qu'ils font l'imitation de chevalier de Mistinguette. Totor vous imitera Milton. Venez donc chez nous, quelle réjouissance. Et contrairement à ces petits bruits qui courent, dites partout, chez nous en France, y a de la gaieté, y a de la joie, y a de l'amour. Contrairement à ces petits bruits qui courent, dites partout, chez nous en France, il y a de la gaieté, il y a de la joie, il y a de l'amour. Médaille d'argent pour les trois cafés gourmands, toujours bien placés les trois cafés gourmands, quelle que soit leur chanson. Et là, c'est un air de rien. Tu n'es qu'un oiseau de passage, un petit gars sur le chemin, en plein échouage, tu ne vaux pas un bout de pain. Tu découvres par hasard un air de rien, tu rentreras tard ce soir pour oublier.

l'artiste s'affirme face aux jugements et aux autres regards malveillants. Pas la peine d'en faire des caisses. De toute façon, quoi que je fasse, je sais bien que tu ne vois que mes fesses. Je serai jamais celle que tu crois. Crois-moi, crois-moi, crois-moi, la Rousseau. Tu voudrais que je t'enlace et que je me mette à l'aise, que je t'embrasse avant que le jour se lève. Pas la peine d'en faire des caisses, de toute façon quoi que je fasse, je sais bien que tu ne vois que mes fesses. Je serai jamais celle que tu crois-moi, crois-moi, crois-moi, jamais celle que tu crois-moi, crois-moi, crois-moi. Je serai jamais celle que tu crois-moi, crois-moi, crois-moi, jamais celle que tu crois-moi, crois-moi, crois-moi. Je suis une poupée de glace, si je tombe, je me casse. Ne me blesse pas, ne te trompe pas de case. Mais tu as peur d'être lâche, alors tu resserres la laisse. Moi de peur que je m'attache, je te laisse. Je serai jamais celle que tu crois-moi, crois-moi, crois-moi. Jamais celle que tu crois-moi, crois-moi, crois-moi. Je serai jamais celle que tu crois-moi, crois-moi, crois-moi. Jamais celle que tu crois-moi. Sans toi, à me prendre la tête. Si tu me quittes encore, c'est mon cœur qui s'arrête. Je suis folle de toi, tu me fais perdre la tête. Je ne sais plus qui je suis, qui tu es, toi ou ma personnalité. Je serai jamais celle que tu crois-moi, crois-moi, crois-moi. Jamais celle que tu crois-moi, crois-moi, oh crois-moi. Je serai jamais celle que tu crois, crois-moi. Jamais celle que tu crois-moi, crois-moi, crois-moi. C'est toujours ça de prix. Oh, c'est pas vrai, ça. Lorsqu'on se bat pour obtenir quelque chose, il arrive que l'on n'en obtienne qu'une partie. L'expression se veut optimiste et incite à se contenter du minimum qui est ainsi acquis et ne peut plus être contesté par autrui. Quand on est sur Terre, il ne faut pas vouloir la Lune pour tenter de trouver le bonheur rêvé. C'est comme disait ma grand-mère. Une chanson de 1935, c'est toujours ça de prix, les collégiens de Réventura. On est sur Terre, il ne faut pas vouloir la Lune pour tenter de trouver le bonheur rêvé. Vous aimez les blondes, l'occasion vous fait prendre une brune. Dites-vous bien, c'est certain, ça n'engage à rien. Aujourd'hui, l'important, c'est de prendre du bon temps. C'est toujours ça de prix, comme disait ma grand-mère. Moi, ça me suffit, y a pas de petit profit. Quant à la loterie, pensant être millionnaire, on gagne 100 francs, comment que c'est qu'on les prend? Quand pour deux thunes, aux Uniprix, vous

blâme que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Erza Mukoli est une jeune artiste originaire du Kosovo. Elle a choisi d'être épaulée par Vianney, dont elle est une femme, une fan absolue. Ancienne chanteuse des Kids United, elle compte bien faire parler d'elle en solo avec son premier titre écrit par Vianney, Je chanterai Erza Mukoli. Sa jeunesse et sa candeur, ses nattes et sa guitare la firent connaître dans les années, dans les années 50. Et celle qu'on appela la collégienne de la chanson sortait tout droit d'un concours de chant organisé dans le cadre de la kermesse aux étoiles. Depuis, Marie-Josée Neuville a fait une carrière de comédienne et d'animatrice de radio et de télévision.

en arrière, les jours ont déjà bien filé. C'est beau le passé, ça sent l'amour mais plus l'amitié. Pour préserver la chaleur de nos ambitions taurines, car au quotidien c'est le premier à dessiner les rides. Pas trop s'appliquer, plutôt plaisanter, et profiter des sourires comme s'ils étaient comptés. Tout emporter ou tout y laisser, une chose est certaine, c'est d'y plonger tout entier. Et maintenant, une chanson écrite et composée par Patricia Carli. C'était en 1963. Demain, tu te maries, Patricia Carli. Arrête, arrête, ne me touche pas, je t'en supplie. Aie pitié de moi, je ne peux plus, plus supporter avec une autre te partager. D'ailleurs, demain tu te maries. Elle a de l'argent, elle est jolie. Elle a toutes les qualités. Touche pas, je t'en supplie, aie pitié de moi. Dès que tes mains se posent sur moi, je suis prête à subir ta loi. Mais tu as préféré les grands honneurs à la place de notre bonheur. Et pour gaver tes ambitions, tu as détruit mes illusions. Je sais, tu m'aimes encore. L'orgueil pour toi est le plus fort. Il a vaincu le grand amour. Pour garantir tes vieux jours, il faut nous quitter sans remords. Tu es le maître de ton sort. Laisse-moi, laisse-moi te féliciter. Demain tu vas te marier. Chez elle, tu auras le confort. Chez moi, tu jouais avec mon corps. Chez elle, tu vas te distinguer. Chez moi, tu venais te griser. Ce soir, c'est la dernière fois. Je te parle et je te vois. Puisque c'est elle qui aura ton nom ce soir, ce soir. Moi je te dis non. Vous désirez écouter une chanson coquine, je sais que vous aimez ça. Et c'est une chanson très représentative de ce qui plaisait en 1931. Chanson dans laquelle la fin des phrases n'est pas celle que l'on attend. Des paroles de M. Valette sur une musique de M. Hens. À vous de trouver les rimes sous-entendues. Folâtrerie, Yvan Fadel. L'autre soir, ayant des idées folles, j'entrais dans un grand music hall et m'installais tout plein d'orgueil dans un fauteuil. On jouait une revue sans voile et toutes les femmes étaient à genoux. Elles avaient tout le dos tourné de mon côté. Comme elles n'avaient pas de tutu, elles me faisaient voir leur corps. Ah mince alors, c'était bien fait pour me réjouir. Et moi qui avais envie de danser, très satisfait, j'applaudissais. Une danseuse à l'air folichon qui avait de jolis petits petons me fit de l'œil. Je me dis ça va, tu l'attendras. Une heure après, à la sortie, contre un mur, je faisais le pied de grue. Elle vint à moi avec envie et prit mon bras. Puis elle me dit d'une voix de crécelle, tu sais je ne suis pas pudique, faut que je t'explique. C'est dans un de mes derniers voyages que j'ai perdu mon pull vert. Mais oui mon cher, faut pas t'en faire. Je lui dis pour la mettre à l'aise, je m'en fous, il faut que je te plaise. Toi tu me plais, alors ça va, on s'arrangera. Ici quelqu'un peut nous épier, et comme je veux prendre mon temps, j'ai pas envie de me démancher pour t'embrasser. Une fois chez moi, je le confesse, ma main s'égara sur ses cheveux, j'étais heureux. Alors bien plus fier qu'un pacha, je lui chatouille son petit nez et je l'invitais suite à dîner. Après avoir fait la dînette, elle me dit fais-moi donc risette. Moi j'aime les hommes qui ont le sourire, c'est rien de le dire. Avec ton visage rubicon, mon vieux, tu n'as pas l'air d'un type qui a le caractère brouillon, bref d'un melon. Oh non, je n'ai rien d'un cénobite, j'ai même je crois une grosse envie de faire des folies. Là-dessus, arrêtant ma rangue sur son cou, je passais ma main, sacré matin, c'était divin. Mais elle s'écria tout à coup, mon vieux, avant de tirer le verrou, donne-moi du fric, sinon sans ça je ne marche pas. Car il faut pas me prendre pour une nouille, sans ça moi je t'arrache les yeux. En entendant ces mots scandés, je déchantais. Puis elle me dit d'un ton bravache, tu fais l'effet d'une belle rosse, là-dessus la gosse. Parti cent ans pour ni trompette, et moi je conservais mes rougeurs, car pas d'erreur, j'ai eu bien peur. Voilà, vous avez trouvé toutes les rimes, ben bravo. Les Forbans, un groupe des années 80, mais pas que. Après bien des péripéties, arrêts puis reprises, après plusieurs changements de ses membres, ben le groupe existe toujours. Et en décembre 2012, il faut savoir que les Forbans sont venus chanter dans un gala privé du Front National. Alors, ça ne passa pas inaperçu, hein, ça a fait du bruit dans le Landerneau. Grosse polémique à laquelle Bébert, le chanteur, répondit. Il ne faut diaboliser personne. J'ai toujours adoré la polémique. Et au moment où la mode était au disco, moi je faisais du rock'n'roll. Je pense qu'un artiste ne doit pas faire de politique. Ceux qui en font sont des crétins. Chante les Forbans. Tout le monde. Phoenix est le sixième album du rappeur français Soprano. Sorti en novembre 2018, il était certifié triple disque de platine 5 mois après sa sortie. Extrait de cet album, la chanson « Le Coach », interprétée avec son cousin germain Vincenzo, a été dévoilée en juin 2019. Le rappeur déclare vouloir casser les clichés et les a priori que les gens ont du rap en général. Vulgarité, négativité, violence et ghettoisation. Ben c'est sûr que le rap, ce n'est pas que ça. Soprano, en 2016, en 2017 et en 2018, a été nommé lors des Energy Music Awards artiste masculin francophone de l'année, le coach Soprano. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné. Oui, tout donné. Toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les âmes. Enchaîne les squats, enchaîne les squats, enchaîne les squats, squat, squat. Abdo dips, pompe bar, abdo dips, pompe bar. Frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, sac, sac. Allez, va chercher le chrono, va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée, tous ensemble à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio, on va taper dans le cardio. On va viser dans le coach, tu vas savoir qui est coach. Faut taper le cardio. Une chanson de 1994, écrite par Francis Cabrel et Jean-Pierre Bucolo. Il s'agit d'une chanson douce, à la mélodie nostalgique, qui sent bon la truite et le goujon. Ah ben ça, c'est une chanson pour Yves, hein, pour la pêche. Le message est clair, j'attends que le monde soit meilleur. Et le pêcheur se dit, oh la vie passe, essayez de prendre du plaisir, de saisir l'amour, parce que, dehors, tout me dépasse. La cabane du pêcheur, Francis Cabrel.

Vous pouvez également retrouver le podcast en allant sur le site de Radio Pagette. À part ça, la prochaine cerise sur le canto, c'est dans 15 jours. Mais nous serons quand même avec vous dimanche prochain pour vous présenter Patchwork à l'écoute des musiques du monde. Et en attendant, soyez heureux et branchés sur Radio Pagette Nancy 94.2 pour les Lorrains et sur le net pagette.net pour les autres Européens. Bon, il nous reste encore un peu de temps, Yves. Le temps d'envoyer une dernière chanson. Allez, une chanson que vous ne connaissez pas, j'en suis sûr. Mamie, Mamito, Mamino, Yves Dutheil. Au revoir. Mamie, Mamita, Mamino ont porté un enfant très tôt. La première à 16 ans, et comme en écho, vous avez repris le flambeau. Tu m'as souvent conté l'histoire, elle est gravée dans ta mémoire. Un clin d'œil du destin dans la famille qui s'est transmis de mère en fille. Et puis l'arbre a porté ses fruits en bonheur qui vous ont construit. Les bivouacs en montagne et la belle étoile, et les îles en Corse à la voile. Les premiers négatifs couleurs, les tirages à la grandisseur, les éclipses de lune et la comète, les nuits blanches autour des planètes, les Noëls, les anniversaires et les robes qui tournent en l'air, les costumes, la danse et la couture, les myrtilles, les confitures. On a tous un livre à écrire, des images et des souvenirs qu'on emporte en secret dans nos bagages et la mer dans un coquillage. J'ai refait la route à l'envers, rue Didon, rue du Moulin Vert. La tendresse de ces années vécues au hasard d'un temps révolu. Aujourd'hui je vous vois toujours sous le grand figuier dans la cour, qui résonne encore de vos aventures, de vos rires, de vos blessures. Jamais rien ne s'est effacé, les visages et le temps passé ont posé tant d'amour dans vos regards et la force de t'émouvoir. Je revois briller dans tes yeux les reflets de ces jours heureux, quelque part entre Douaneau et Prévert, dans le Paris de l'après-guerre. Tu m'as tellement conté l'histoire qu'elle s'est gravée dans ma mémoire. Ta mamie, Mamita, et toi, Mamino, vous m'avez transmis le flambeau.